cœur de pierre devenu dur à charmer. Comme une bouteille à la mer, moi je reviendrai jamais. Même si j'aime bien l'ombre, tous les projecteurs m'exposent. Comme Maximus, quand je ferme les yeux, j'essaye de rêver d'autre chose. Trop orgueilleux pour demander mon chemin. On a des rêves de manchots qu'on a confiés à demain. Les petits, je les fascine, mon nouveau flow patine. Quand la gloire me fracine, j'aurai un disque de platine. J'suis grieux de mon histoire, même si elle est triste, moi j'aime bien. Baby aimerait voir l'espoir, Fabrice est mort de chagrin. J'aimerais voir des fleurs, mais après l'été c'est l'automne. Y'a pas de prison au thé, mais y'a des parloirs fantômes. Pas de mea culpa, peut-être qu'on est trop jeune. Les larmes qui ne coulent pas sont les plus dangereuses. Et on fera tout juste pour rester en vie. Dis-moi ce que t'as, et je te dirai qui t'envie. Enfermé dans ma chambre, je reste dans mon monde. Isolé dans mon coin, je reste dans mon monde. À traîner dans le quartier, je reste dans mon monde. Je reste dans mon monde, je reste dans mon monde. Enfermé dans ma chambre, je reste dans mon monde. Isolé dans mon coin, je reste dans mon monde. À traîner dans le quartier, je reste dans mon monde. Je reste dans mon monde, je reste dans mon monde. Appelle-moi Robinson au milieu des hommes. Je me sens seul sur mon île. Toujours la tête ailleurs, toujours dans mon monde. À la recherche d'un exil, à la recherche d'un nouveau souffle. Celui qui me poussera loin de ce mal de vivre. Besoin de voir de la lumière, là où l'avenir semble s'obscurcir. Devant cette lisière de béton, moi j'essaye de fleurir, arrosé par mes rêves. On m'a dit que tout le monde a un temps, laisse-moi le découvrir, pour qu'enfin je m'élève. Tout en restant moi-même, c'est mélancolique, sincère et simple. Devenir ce que je rêvais d'être, tout en restant dans mon monde. Enfermé dans ma chambre, je reste dans mon monde. Isolé dans mon coin, je reste dans mon monde. À traîner dans le quartier, je reste dans mon monde. Je reste dans mon monde, je reste dans mon monde. Enfermé dans ma chambre, je reste dans mon monde. Isolé dans mon coin, je reste dans mon monde. À traîner dans le quartier, je reste dans mon monde. Je reste dans mon monde, je reste dans mon monde. Quand je prends le mic, toute la banlieue s'agite. J'ai cassé les rétros pour plus être nostalgique. Dis que la musique c'est bien et le diable me retweet. J'écris pour les miens, je rappe la rue par principe. Personne ne m'écoute, j'ai des problèmes. Je rêve que papa vienne et m'emmène. La peine me voit comme un vulgaire passant. Même présent en cours, j'ai l'air absent. Pourquoi nous nous battons? La mélancolie m'attend. Elle m'adore collimateur, mais quelle alcoolique adore. Et pour ma patrie, surveille mes propos. Je peux pas parler aux morts, alors je caresse des photos. Défendre la rue, j'en ai fait le serment. Je peux pas faire semblant t'aimer, mais je peux t'haïr sincèrement. Et on fera tout juste pour rester en vie. Dis-moi ce que t'as et je te dirai qui t'envie. Enfermé dans ma chambre, je reste dans mon monde. Isolé dans mon coin, je reste dans mon monde. À traîner dans le quartier, je reste dans mon monde. Je reste dans mon monde, je reste dans mon monde. Enfermé dans ma chambre, je reste dans mon monde. Isolé dans mon coin, je reste dans mon monde. À traîner dans le quartier, je reste dans mon monde. Je reste dans mon monde, je reste dans mon monde.